Chapitre 2. L'usine sanglante. Nous roulions depuis une demi-heure environ. Je me levai pour sortir dans le couloir. Au même instant, la jeune femme interrompit mon silence. « Voulez-vous m'aider, monsieur, à mettre ma valise dans le filet ?»« Volontiers. » C'était évidemment de sa part un prétexte pour entrer de nouveau en conversation avec moi. Nous étions seuls dans le compartiment. Son sac pouvait sans inconvénient demeurer sur la banquette. Je pris le sac. Je le levai à bout de bras pour le placer dans le filet. Son étiquette fixée à la poignée dans une gaine de cuir passa devant mes yeux. Machinalement, je lus « Mademoiselle Nelly Alstein ». Alstein, le nom dont les journaux s'occupaient depuis un mois. Nelly Alstein était la fille du directeur des usines de Monzy. Son père avait été découvert assassiné dans son cabinet de toilette le soir même où son frère Lucien trouvait la mort dans l'usine au cours de circonstances encore mystérieuses. L'enquête se poursuivait, et on avait tout lieu de croire à de crimes connexes. L'ingénieur en chef des usines, Marc Brunet, avait été mis en état d'arrestation. Sa culpabilité semblait flagrante. On savait qu'il poursuivait de ses assiduités Mademoiselle Nelly Alstein, la jeune fille qui partageait mon wagon. Lui-même prétendait être son fiancé. Pourtant, la rumeur publique lui attribuait une maîtresse, une jeune ouvrière de l'usine, Madame Thévenel, qui aurait partagé ses faveurs entre lui et le fils Alstein. Cette femme avait assisté au drame, mais elle ne pouvait en faire aucun récit. Elle avait perdu la raison au cours de la nuit tragique. Voilà ce que racontaient les journaux avec des variantes et souvent des contradictions. L'affaire avait semblé assez obscure au directeur de l'Étoile du Matin pour qu'il m'envoyât là-bas sur place afin d'aider la police. L'Étoile du Matin adore aider la police. Il faut gagner sa vie. Et me voici policier amateur. La Providence paraît vouloir faciliter ma tâche en me mettant en présence de Mademoiselle Alstein en personne. Il ne faut pas brusquer les choses. Mademoiselle Alstein a remarqué mon petit tressaillement de tout à l'heure. Aussitôt, elle a repris son visage fermé et son désir d'entrer en conversation avec moi s'est évanoui. Je sais par expérience qu'il ne faut jamais heurter de front une femme. Ce faisant, de la plus bavarde, ne tairez pas des lignes de copie. « Mademoiselle, dis-je, me permettrez-vous de jeter un coup d'œil sur Paris Midi ?» Elle me tend le journal sans mot dire. Il faut attendre encore, et je trouve préférable d'aller lire la feuille dans le couloir. « Tiens, il y a du nouveau dans l'affaire Alstein. Dans l'affaire de l'usine sanglante, comme l'imprime la feuille en gros caractères. » Dans les mois qui précèdent le crime, plusieurs ouvriers ont été victimes d'accidents mortels ou très graves. Un ouvrier est écrasé par un marteau pilon qui s'est abattu trop vite. Trois hommes ont été carbonisés par une coulée d'acier. Deux autres ont eu les membres pris dans des engrenages et ont dû subir l'amputation d'un bras ou d'une main. Ces faits ne paraissent présenter aucun rapport avec les deux crimes. Le magistrat enquêteur ne les a pas retenus. Et le journal ne les cite qu'à titre documentaire. Accident du travail et pas autre chose certainement, mais lorsqu'il se présente avec cette fréquence, la police devrait se montrer plus curieuse. Il doit y avoir des responsabilités à établir. L'Étoile du Matin, par l'intermédiaire de ma personne, va secouer les inerties, de ce côté-là également. Une particularité me frappe. Cette usine située en pays frontière a été reconstruite en grande partie avec de la main-d'œuvre allemande. Prisonnier d'abord, puis ouvrier, venu librement en vertu d'un accord conclu entre la France et l'Allemagne. Ne se pourrait-il pas que les accidents cités plus haut fussent le résultat d'une reconstruction hâtive, d'un outillage imparfaitement mis au point, ou pire peut-être? Le soupçon d'actes de malfaçon et de sabotage vient naturellement à l'esprit. Je regrette que l'enquête ait dédaigné ces faits. Il est vrai que le rapport officiel a conclu la non-connexion des crimes et de ces accidents du travail. Aucune instruction n'étant ouverte pour malfaçon ni sabotage, le magistrat n'avait pas à en connaître. « Ah !» fis-je à mi-voix, « la police ne change guère. Toujours le système des parois étanches. Ne dites pas de mal de la police, » dit une voix derrière moi, « elle a bien du mérite. » Je me retourne, je reconnais l'homme au complet bleu. Je devine à présent qui il est et ce qu'il fait ici. « Parbleu, » dis-je, « vous en êtes, je m'en honore. » Je fais un peu le même métier. Je sais, L'Étoile du Matin. Je vous connais. Nous avons souvent travaillé sur les mêmes pistes. Il a du bon et du mauvais, votre journal. Il a pu rendre des services. Mais les chefs ne l'aiment guère. Cette fois, dis-je, vous n'aurez pas trop de toutes les aides pour éclaircir une affaire singulièrement obscure. Pouah ! Fit-il en retirant pour un instant sa courte pipe. La vérité ne va pas tarder à être connue. Elle l'est déjà, selon moi. Ah bah ! Le véritable coupable est coffré. C'est l'ingénieur Marc Brunet. Et son complice, sa complice plutôt, ne tardera pas à le rejoindre. C'est la petite que je surveille en ce moment. Mademoiselle Nelly Alstine, est-ce possible? Elle aurait aidé à tuer son père et son frère? Parfaitement. À mon avis, si elle est encore en liberté, c'est que le juge espère qu'elle se vendra d'une façon ou d'une autre. On la surveille étroitement. Au fait, ne vous a-t-elle rien raconté d'intéressant? Absolument rien, elle est muette. Essayez donc de la faire parler. Il n'y a rien de plus naïf que les policiers, sinon les criminels qui se laissent prendre par eux. Je repris. Quoi que vous en disiez, les preuves contre Mademoiselle Alstine sont minces, pour ne pas dire inexistantes. D'autre part, le crime serait tellement monstrueux qu'il en est presque invraisemblable. Quels seraient les motifs du crime? L'amour. Le magistrat a voulu, tout de suite, faire intervenir la passion dans l'affaire. Mademoiselle Alstine et Marc Brunet s'aimaient. Le père et le frère s'opposaient à leur mariage. Ce que contestent les amoureux, ils prétendent que leur fiançailles allait être célébrée sous peu. Ils plaident leur cause. Mais l'ingénieur sans fortune était-il la partie digne de Mademoiselle Alstine, fille d'un homme dont la position était tout à fait considérable dans l'industrie et dans la politique? Non, n'est-ce pas? Tiens, la politique, les haines politiques, c'est peut-être une voie. Ne vous égarez pas. La présence de Marc Brunet à la maison Alstine était tolérée parce que le père était faible. Il n'aurait jamais consenti à cette union. Marc Brunet et Mademoiselle Alstine auraient supprimé deux personnes parce qu'elles s'opposaient à leur mariage. Avouez que le moyen était mauvais. Ils ne semblent pas avoir avancé leurs affaires. Je vous abandonne Marc Brunet, pris presque en flagrant délit, et qui demeure muet à l'instruction, sans doute parce qu'il ne pourrait que faire des aveux. Mais je doute de la culpabilité de Mademoiselle Nelly Alstine. On peut également reconstituer le crime ainsi. Jalousie de Marc Brunet et de Lucien Alstine qui aimait la même femme, Madame Thévenel. Ils se disputent et Marc tue Lucien. Madame Thévenel devient folle pour avoir vu ses deux amants se battre et la menacer peut-être. Elle portait des contusions, n'est-ce pas? Comment expliquer la présence de Mademoiselle Nelly sur les lieux du crime s'il n'y avait pas eu préméditation, désir d'aider son amoureux? Tout est obscur si vous admettez l'hypothèse d'une rivalité des deux hommes au sujet de Madame Thévenel. Cette passion de Marc est loin d'être prouvée. Elle rend invraisemblable l'attitude de Mademoiselle Alstine envers celui qu'elle devait considérer comme un traître et un infidèle. Or, elle n'a cessé de le défendre avec une ardeur et une véhémence. Et le meurtre du père, la nuit même. À son sujet, l'hypothèse du suicide a été émise. Les affaires déclinaient, paraît-il. Non. Après avoir supprimé le père Alstine, les criminels se sont dirigés vers l'autre usine. Là, pour des causes mal définies, ils n'ont pu accomplir leur crime dans le silence et prendre la fuite, comme ils le projetaient, sans doute. Et le revolver? Ce revolver a blessé Madame Thévenel, mais a percé la veste de Marc, la poche de qui il a été retiré, d'ailleurs. Oui, certains détails paraissent extraordinaires. Toutefois, le crime doit, dans ses grandes lignes, être reconstitué comme je viens de vous l'indiquer. Bien romanesque. Et Mademoiselle Alstine vous le raconterait comme moi, si elle se décidait à avouer. Essayez de la cuisiner, et apprenez-moi les résultats. S'il vous donnait des armes contre elle, quel beau rapport cela ferait. Ne vous emballez pas, dis-je, il doit être difficile de la faire parler. Je repris néanmoins ma place dans le compartiment.